sous besoin d'aller. Non, non, non. Ça dit qu'il rajoute. Non, non, non. Dis bonjour, monsieur. Non, non, non. Dis bonsoir, madame. Non, non, non. Wopolo popo. Wopolo popo. J'ai dormi tête en bas. J'ai mangé chapon. Sous ces belles zébites. Les zébites, c'est moi-même. J'ai dormi tête en bas. J'ai mangé chapon. Sous ces belles zébites. Wopolo popo. En sinelo, mi moins content. En sinelo, ouais.